Le départ de mon parcours se situe au cours moyen. Entre amour et haine sans recours, je me constitue mitoyen, loin des instituts des doyens. Écrire fait frémir, rire de l'imparfait gémir. Les mots et moi on crée nos liens. Un rien paralysé, il réveille mes sensations grisées, mal canalisées. Je m'éveille à la passion, hors des chemins balisés. Je me perds à mon insu, dans la risée analysée. Est un repère, une issue, jamais déçu de mes compères. Quand mes parchemins s'enlisaient, avec eux j'espère mes lendemains réalisés. Obstiné sur un pupitre, je rédige mes manuscrits. À 13 piges j'écris la destinée est en sous-titre et arrive 98. Tout bascule, je dérive seul pour être ensuite sur la rive où tout se bouscule. C'est la fuite vers un nouveau pays de cocagne, un univers, un renouveau. Haï par hippocagne, ébahi, mes oreilles s'infestent de ces voix marginales, en moi il y a manifeste la loi du point final, les émois de demain c'est loin. D'un nuage de fumée, sûr comme un rat dans le coin, chaque fois la rage me consumait. Au fil des mois, j'assumais mes références en somme et sans préférence pour les durs ou ceux qui l'armoient. Éloigné des sommets et des cieux aux poussières d'azur, silencieux et assommé, je soignais mes premières mesures. De ma tour d'ivoire, le spectacle est lumineux. Autour on peut y voir des obstacles faramineux. C'est les peurs d'un homme en lambeaux, entier sans fioriture, mais le cœur est comme un flambeau sur le sentier de l'écriture. De ma tour d'ivoire, le spectacle est lumineux. Autour on peut y voir des obstacles faramineux. C'est les peurs d'un homme en lambeaux, entier sans fioriture, mais le cœur est comme un flambeau sur le sentier de l'écriture. Mes premiers raps sont réducteurs, vont du coq à l'âne, attrapant mon fil conducteur. Le son me frappe lorsque je flâne et je plane sur mon cahier. Fantasque plein d'ardeur, juste un casque, un baladeur et un stylo pour défrayer. Le style est chancelant, fait de fadeur et de colère. Rien d'excellent, hostile même avec mon polaire. Secret et distrait dans le système scolaire. Discret sous l'astre solaire, mes traits et mes thèmes restent abstraits. 2001, premier groupe de l'air pour mes premières peurs. Plein d'amour pour mes troupes, de pierre sera le cœur. Passent les saisons, l'instrumental nous hypnotise. Le mental blindé d'oraison qu'on peut soutiennent nos sottises. Soudés, jamais scindés, nos idées sont sans registre, accoudés au poste CD. On s'enregistre, mais nos phases s'essoufflent tandis que les bases nous retiennent. Trinque à l'ancienne, à nos blases et à second souffle. Dès lors des questionnements me surplantent et me dévorent. J'apprends les phrases, leur fonctionnement, que de belles plantes sont carnivores. Reprends en solitaire, entre en faculté de l'être. Entre mes manques identitaires et les difficultés de l'être. Sonatine une armature, on se fait label à 5. Un label pour ossature, sa baratine on me requinque. Et mes projets matures, l'indolence est mon armure. Mon silence à ses murmures quand sur le trajet je sature. De ma tour d'ivoire, le spectacle est lumineux. Autour on peut y voir des obstacles faramineux. C'est les peurs d'un homme en lambeaux, entier sans fioriture, mais le cœur est comme un flambeau sur le sentier de l'écriture. De ma tour d'ivoire, le spectacle est lumineux. Autour on peut y voir des obstacles faramineux. C'est les peurs d'un homme en lambeaux, entier sans fioriture, mais le cœur est comme un flambeau sur le sentier de l'écriture.